Terre funèbre. 1. Un pays vraiment funèbre, et dont la grandiose tristesse respire je ne sais quelle majesté d'outre-tombe, c'est toute cette contrée sauvage du Cap Sizun qui, de Douarnenez au nord et d'Audierne au sud, va se rétrécissant vers l'extrême ouest et revêtant des aspects de plus en plus farouches, jusqu'aux deux promontoires jumeaux du Raz et du Vent, où la beauté qui lui est propre éclate, si j'ose dire, dans toute son horreur. Les noms mêmes des lieux évoquent de sinistres images. Enfer de Plogoff, baie des Trépassés. Il n'est pas jusqu'à la chapelle de Bon Voyage qui ne fasse songer au départ éternel. Ses dévots sont les premiers à s'en rendre compte. « Donne-nous heureuses traversées » murmurent-ils dans leur prière à la vieille Madone enrubannée qui surmonte l'autel. « Que si nous ne devons jamais reprendre le sentier qui mène chez nous, accorde-nous du moins vent arrière pour aller droit au paradis où tu règnes. » Il faut tout prévoir ici, et surtout la mort prompte, inattendue, avec la mer pour tombe, les algues pour linceul, les mouettes pour enfants de cœur, et les goélands aux larges manches pour officiants. On se rappelle le beau sonnet des trophées. Pour me conduire au Raz, j'avais pris à Trogor un berger chevelu comme un antique évage. C'est un marin paysan qui me vint prendre à la gare d'Audierne avec sa carriole par ce matin gris de 1er novembre. L'air était plein de graves tintements de cloches se répondant de bourgade en bourgade à travers l'étendue. Nous gravîmes au pas du bidet la montée d'Esquibien. Un reste de verte cornouaille nous accompagnait aux deux bords de la route. Des prés diamantés de fines gouttelettes, des bouquets d'arbres encore feuillus. Puis, comme nous approchions de la crête, un souffle plus vif nous fouetta la face, et j'eus la sensation que j'entrais dans un monde nouveau. L'horizon s'élargit, devint subitement très vaste. Les terres se soulevèrent en de longues houles, de teintes imprécises et neutres où dominaient les tons noirâtres. De part et d'autre, des glèbes fraîchement retournées, des labours bruns, mouchetés de marbrures violettes, des landes d'ajoncs, des champs de bruyères défleuries, des flaques d'eau stagnantes, des carrières abandonnées, semblables à des lèpres. Des dos de collines tristes au loin, où des clochers pointaient. L'homme me les nommait à mesure. C'était à droite Bezec, Cléden du Cap. À gauche, vigoureusement dessinée sur un fond de mer, la tour massive de Saint-Eugène, terminée par une coupole byzantine, comme une mosquée d'Orient, et la flèche élégante de Primelin, et l'oratoire de Saint-Théodore, bâti près d'un dolmen, que les populations de cette côte entourent d'une immémoriale vénération. Il est curieux, ce monument des âges primitifs, et pas du tout conforme au type ordinaire. La table du dolmen sert en quelque sorte de baldaquin à une espèce de lit creusé dans le sol et où il n'y a place que pour une personne. Des pierres grossièrement taillées garnissent les parois. La légende veut qu'un des pieux thaumaturges de l'émigration bretonne ait eu là sa demeure, sa maison de rêve et de mortification. Il y vécut, dit-on, de longues années, étendu sur le dos, immobile, les mains jointes sur la poitrine, ne mangeant ni ne buvant rien, ne parlant jamais. Il semblait de granit comme sa dure couchette. Des mousses, des lichens avaient poussé sur ses vêtements. Seuls les yeux remuaient au fond des orbites, brillaient d'un éclat surnaturel. On s'aperçut un jour qu'ils étaient fermés et l'on en conclut que le saint était mort. On transporta son cadavre rigide à l'église de Primelin, où il fut enterré dans le chœur. Mais sa vertu est restée attachée à son ancien gîte. Les malades s'y viennent étendre dans la posture qui lui était chère pour être guéris de la mauvaise fièvre par ce contact sacré. De Saint-Théodore, on descend au Loc, profonde échancrure de mer ainsi que son nom l'indique, sorte de fjord découpé comme à l'emporte-pièce dans les puissantes assises du Cap Sizun. Sous la poussée du vent d'ouest, du terrible Cornog, les vagues s'y engouffrent avec fracas, rebondissent par-dessus la route, vont s'abattre de l'autre côté de la chaussée dans un étang marécageux parmi les roseaux et les joncs. « Il ne fera pas bon passer ici ce soir, le soleil couché, » me dit mon conducteur. « Pourquoi donc ? » ?»« Le Loc est un purgatoire de noyés. La veille de la Toussaint, il se trémousse et hurle que c'est une pitié. L'eau se hérisse de milliers, de millions de têtes. On voit luire des prunelles angoissées, se tendre des bras suppliants. C'est un spectacle à rendre fou. devant nous, dans les landes abruptes qui forment la berge occidentale du fjord, des feux de goémons brûlaient, exhalant de longues fumées blanches qui montaient, âcres et lourdes, dans l'air matinal. C'est la principale industrie des femmes en ce pays que cette fabrication de la soude à ciel ouvert et suivant les procédés les plus primitifs. L'homme, avec le manche de son fouet, me montra ses brasiers épars. « Les morts de la mer, prononça-t-il, n'ont pas, comme les autres, le droit de revenir cette nuit, s'asseoir dans les cendres de l'âtre familial. Un inexorable destin pèse sur eux. Du moins pourront-ils se réchauffer à ces tas de varechs. Les brûleuses, tantôt, auront soin d'attiser la flamme, puis regagneront en hâte leur logis avant la tombée du crépuscule. Et les âmes, les pauvres âmes grelottantes, se hisseront jusqu'à ces feux, s'attrouperont alentour, tâcheront de s'y réchauffer. Dieu nous garde, entre l'Angélus de ce soir et celui de demain matin, il y aura de singulières figures par la lande, et des paroles y seront échangées, qui glaceraient d'épouvante les vivants s'ils les entendaient. » Sur l'autre versant du loch, tout au sommet de la falaise, un édifice apparut, solitaire, une haute nef d'aspect assez fruste, que l'on eût prise pour une grange, n'eût été le clocheton grêle qui surmontait un des pignons. Mon compagnon, soulevant son béret, se signa dévotement. « Avez-vous jamais visité Béachwad ?»« Bon voyage, » me demanda-t-il. « C'est le sanctuaire le plus renommé de notre région. De tout le Cap, et même de l'île de Saint, les gens y viennent en pèlerinage, pieds nus, un cierge dans la main. Et non pas les vivants seulement, mais aussi les morts. Enfant, j'ai gardé les moutons dans cette lande. Et voici ce qui m'est arrivé, à moi qui vous parle. C'était au temps des semailles, un soir d'octobre. Le soleil allait se coucher, l'air était calme, sans un souffle. Vous n'eussiez pas vu remuer un brin d'herbe. Or, brusquement, le cornogue se leva de la mer. J'entendis le grondement de sa voix avant de sentir sa rude haleine. La nuit se fit, en un clin d'œil, comme si une grande aile noire se fût déployée sur tout l'horizon. Je rassemblai mes bêtes en hâte, mais elles tremblaient sur leurs jambes, se pressaient les unes contre les autres, refusaient d'avancer, restaient là, stupides, à bêler lamentablement. En vain, je les frappais de ma longue gaule. Elles ne bougèrent pas. Toutes regardaient vers un même point, là-bas, du côté de l'Occident, dans la profondeur sombre. Je regardais à mon tour, et la peur aussi, une peur blême, s'empara de moi. Si je revoyais aujourd'hui pareille chose, je crois que je mourrais sur place. Les vagues, fouettées par le vent, lançaient des gerbes d'écume jusque sur le rebord de la falaise. Et, à chaque paquet d'eau qui s'écroulait de la sorte, une forme humaine se dressait, livide, et se mettait à courir d'une course folle, éperdue, dans la direction de la chapelle. Je vis passer je ne sais combien de ces spectres. Sans cesse, il en surgissait de nouveau. C'est à peine si leurs pieds touchaient le sol, tant ils allaient vite. Ils semblaient voler, portés par des ailes invisibles, se heurtaient au mur du sanctuaire, comme des oiseaux qu'une lumière aveugle, et tournoyaient désespérément alentour, cherchant pour y pénétrer une issue qu'ils ne trouvaient pas. Parfois, une rafale plus forte menaçait de les entraîner. Alors, ils se jetaient à plat ventre, et, cramponnés aux touffes de bruyère ou d'ajon, se plaignaient en une langue inconnue, avec de sourds gémissements. Je suais d'angoisse. Une voix secrète me criait d'aller ouvrir la porte à ces malheureux. Je les aurais sauvés, paraît-il, sauvés à jamais des purgatoires de la mer. Mais la terreur me paralysait. Je m'étais accroupi dans la lande, sans force et sans mouvement, mon chapeau rabattu sur mes yeux. Je serais demeuré à cet endroit toute la nuit, si le maître, à qui appartenaient les moutons, inquiet, ne s'était mis lui-même à ma recherche, escorté de ses domestiques, munis de fanaux. Ils me ramassèrent, à demi hébété d'épouvante et de froid. J'en fis une maladie dont je fus près d'un mois à me rétablir. Notre-Dame de bon voyage, aie pitié des pauvres défunts. 2. Nous grimpions maintenant la côte de Penan Néar. Le paysage se prolongeait, vaste, dénudé, sous la pâle lumière d'automne. Des murets de pierres croulantes encadraient de maigres labours, des terres brunâtres, fraîchement écobuées. La mer, très haute sur l'horizon, nous enveloppait de son grand bruit, que traversaient, à intervalles égaux, des décharges retentissantes. Ça et là se montraient de rares manoirs, rompant à peine l'uniformité de l'étendue. Oasis pauvre dans un désert triste. Des hommes souffreteux, des arbres craintifs, infirmes, bizarrement tordus, s'abritaient derrière d'antiques maçonneries, débris de remparts romains. Mais ce qui donnait à la contrée un caractère particulièrement funèbre, c'étaient les moulins à vent, debout, ainsi que des restes de fortifications barbares, sur tous les sommets avoisinants. Leurs bras pendaient, immobiles et comme cassés. Ils semblaient les témoins en ruine d'une civilisation disparue. Ils avaient l'air inhabités, morts, et ajoutaient je ne sais quoi de plus poignant à la désolation de ces parages. La montée franchie, le petit cheval capiste allait prendre le trot. Son maître le retint. Nous arrivions auprès d'un de ces calvaires destinés, dans la pensée des Bretons, à écarter les mauvaises fées, hôtesses dangereuses des carrefours. « C'est ici la fameuse croix, » me dit le paysan. Sur une stèle fruste de granit du pays, taillée peut-être dans un ancien menhir, fut hantée, il y a quelque 35 ans, une croix en pierre bleue de Kersanton, ouvragée artistement et dont l'histoire plonge, par de mystérieuses racines, au cœur même de la légende. Des marins de Laoual, étant une nuit à pêcher le congre au large de la baie des Trépassés, sentirent soudain, au bout de leur grosse ligne, un poids inaccoutumé. « C'est assurément quelque bête monstrueuse et inconnue, » murmurèrent-ils entre eux. Ils se mirent à tirer en douceur, avec précaution. Grande fut leur surprise quand, au lieu du poisson phénoménal qu'ils s'attendaient à voir paraître, sortit des eaux une croix de pierre fleurie de coquillages, enchevêtrée d'algues et de goémons. Ils crurent d'abord à un méchant tour de Satanas, restèrent un instant ébobis et méfiants devant leur trouvaille, sans oser y porter la main, de peur de se brûler. Car, sous le reflet de la lanterne que tenait le mousse, la croix resplendissait d'une lueur étrange. Un des hommes proposa de la rejeter à la mer, mais le patron s'écria « Pour Dieu, n'en faites rien ! J'ai vu, l'image du Christ y est ! Je distingue clairement, ça, c'est la couronne d'épines, ça, la ceinture flottante, ça, les clous !» Il commanda à l'équipage de s'agenouiller et entonna d'une voix forte la prière. Tout de même, fit observer quelqu'un, l'oraison terminée. « Il n'est pas naturel, avouez-le, gars, qu'on pêche des croix de granit en haute mer, par 20 brasses de profondeur. »« C'est cependant bien simple, » repartit un vieux, le nommé Guilcher, de Kerudavel. « N'avez-vous donc jamais entendu dire que la baie des Trépassés fut, aux temps anciens, la grand-rue de Kéris, une rue de 7 lieues de long, camarade ?» D'un côté étaient les palais, de l'autre les églises et les cimetières. Or, elle vit toujours, la ville somptueuse, cela ne fait de doute pour personne. Par les douces nuits de juin, quand le silence est sur les eaux, il n'est pas un de nous qui n'ait ouï, au moins une fois, teinter ses cloches d'argent massif. Nous avons dû laisser tomber nos lignes dans un des cimetières de cette capitale enchantée, et nos hameçons en ont ramené cette croix. Soyez certains qu'elle marquait une riche sépulture, peut-être un tombeau royal. « Rapportons-la chez nous, pieusement. Le recteur nous révélera ce qu'il convient d'en faire. Pour moi, à vous ouvrir toute ma pensée, ceci me semble un signe que Kéris est près de ressusciter et que notre race de pauvres hères va connaître des jours plus cléments. Dieu veuille que je ne me trompe point. Amen. » Ainsi parla Jean-René Guilcher, homme antique et de sage conseil. Le patron pencha pour son avis et l'on ne pêcha plus. L'ancre levée, la barque rentra bien avant le jour au havre de Fintin-Aude. « Que vous voilà donc de bonne heure ?» dirent ce matin-là les femmes, en sentant leur mari se glisser près d'elles plutôt que de coutume, dans la tiédeur étroite des lits clos. « Auriez-vous fait la pêche de Saint-Pierre ?»« Miraculeuse, en effet, a été notre pêche. » Il y eut, dès l'aube, un attroupement considérable dans l'enclos sacré de Saint-Colodène, où la croix avait été déposée. On défilait autour d'elle, mains jointes, en récitant des pater et des De Profundis. Les vieilles remuaient leurs têtes branlantes et disaient « Vous verrez que ce sera une bénédiction pour le pays. » Le recteur de Plogoff, averti par exprès, vint avec son vicaire, tous deux revêtus de leurs ornements sacerdotaux. Et la croix épave, comme on la nommait, fut transportée au bourg, sur une civière ornée d'un drap blanc, au milieu d'un immense concours de peuple chantant en chœur l'hymne latine « O crux, ave, spes, unica !» Il fut entendu d'un commun accord qu'on l'érigerait sur le fût découronné du calvaire de Penannéar, parce que de là-haut, elle dominerait tout le cap, les petits champs tristes, la stérilité des landes et le retentissement sauvage de l'océan. Après m'avoir conté par bribes cette histoire, mon conducteur ajouta « C'était une croyance chez nos pères que, le jour où la croix de Kerris serait ramenée en procession à Plogoff, la ville entière, maisons et gens, sortirait des ondes à sa suite. Mais, conclut-il mélancoliquement, ou bien celle-ci n'est pas la croix de Kerris, ou bien nos pères ont été dupes d'un mensonge. Depuis 35 années que ce Christ est là, il a sous les yeux le même spectacle, la même solitude, peuplée seulement de moutons épars, la même route déserte où, 10 mois sur 12, il ne passe que du vent. Et il rendit la bride à sa bête. Sur notre droite, d'un fond de val embrumé, surgissait la croupe d'une église, et dans le ciel pâle, ouaté de nues floconneuses, la silhouette d'un clocher montait. 3. Plogoff. Il est près de 11h30. Le Sanctus tinte, la grand-messe va finir. Assis sur la margelle de l'échalier qui donne accès dans le cimetière, j'achève de noter la physionomie du bourg. Une dizaine de maisons tout au plus, pêle-mêle et comme en tas, basses, trapues, solidement enracinées dans le sol, tournant uniformément le dos à la mer. Une branche d'ajon desséchée sert d'enseigne à une auberge. C'est ici un des derniers villages de France, du côté de l'Atlantique. Au-delà, il n'y a plus rien que 2 ou 3 kilomètres de terre pauvre, plongeant à pic dans l'immensité. Malgré l'étroitesse de ses ruelles, il a grand air, avec ses vieux logis de pierre qui ont bravé tant d'assauts, bercé tant de générations héroïques. L'église, malheureusement et maladroitement retouchée à diverses époques, surtout au XVIIIe siècle, conserve néanmoins de très belles parties. La tour s'élance d'un seul jet, svelte comme un épi, et, sur sa base, sont sculptés en relief des motifs maritimes, armes parlantes du clan de pêcheurs qui fit édifier le monument à ses frais. Telles, en particulier, ces deux barques symboliques, soulevées par des lames en fureur, mais qu'une équipe de rameurs infatigables conduit d'un mouvement souple à travers la colère impuissante des eaux. Les descendants de ces rameurs ont, comme eux, des têtes superbes, d'énergie et d'audace. Les voici paraître sur le seuil du portail, tenant leur béret d'une main, essuyant de l'autre la poussière des dalles collée à leurs genoux. Ils sont grands pour la plupart, avec des allures un peu lourdes, dégingandées. Ils ont la gaucherie des oiseaux du large, que leurs ailes de géants empêchent de marcher. Race de corsaires, ingénus comme des enfants, âmes violentes et candides. Le vent peut souffler, la mer peut gronder, dit un de leurs adages. Le capiste n'a peur de rien, si ce n'est d'un regard de femme. La femme exerce, en effet, sur ces natures indomptées, un empire étrange. Elle les subjugue par sa faiblesse même, par sa supériorité morale, peut-être par d'inconscients artifices. C'est une influence qui tient du sortilège, de l'envoûtement, mais aussi qu'il est clair et sérieux et dominateur le regard des capennes, des frustes filles du cap. Elles viennent de se répandre dans le cimetière, parmi les tombes. Les toutes jeunes ont une grâce singulière et, en dépit de leur vêture grossièrement taillée, des formes presque élégantes. La figure est fine, le teint mat comme l'ivoire, l'ombre longue des cils descend sur de beaux yeux roux, couleur de goémon, attirants et profonds comme des gouffres. C'est le lieu de transcrire ce propos d'un marin entendu à Troguer. Méfiez-vous de ces yeux-là, ils ont des lames sourdes. Même chez les vieilles, les traits gardent une noblesse. Rien de vulgaire ni de bas. Jusque dans le parchemin ridé des visages persiste un je ne sais quoi de frais, de délicat, de pur, le reflet d'une candeur éternelle. En écrivant ceci, je songe surtout à Gaïd Alain, dont je fus, en ce plaintif soir de novembre, l'hôte attendri et reconnaissant. Des gens renseignés m'avaient dit, quelques jours auparavant, « Si, comme il est fort possible, vous ne trouvez pas de lit à Plogoff, adressez-vous à Gaïd Alain. » Justement, les auberges étaient pleines. Partout, j'avais reçu la même réponse, « Mille regrets, il nous est venu du monde de notre parenté pour la commémoration des défunts. » Force me fut de m'adresser à Gaïd Alain. Un marin me la désigna, agenouillé au pied du calvaire, là où l'on prie pour les morts sans tombe, pour les noyés dont la mer n'a jamais revomi les cadavres. Je vis une petite vieille, toute ridée, au corps si réduit qu'il donnait l'impression de quelque chose d'impondérable, d'immatériel. Quand elle se fut levée, je m'avançai et lui fis ma requête. Elle eut un gracieux sourire qui courut dans ses yeux clairs comme un rayon de soleil sur la face des ondes. Certes, certes, dit-elle en un joli breton chantant. Vous n'aurez pas seulement un lit, vous aurez une chambre. Venez tout de suite si cela vous agrée. Il y a de la soupe fraîche au manêr. Vous vous mettrez à table avec nous. Je l'accompagnai sur le champ et, dès les premiers pas, elle me traita en amie, en confident, m'ouvrit sa délicieuse petite âme, son âme charmante et surannée, toute parfumée d'antiques croyances, de mélancoliques choses d'autrefois, et qu'elle comparait elle-même à un livre gardant, entre ses feuillets déteints, des formes et des odeurs de fleurs desséchées. La route que nous suivions à travers le grand pays nu était comme suspendue dans l'espace. Son large ruban se dessinait en clair sur un sol décharné dont l'âpre ossature de granit perçait à chaque pas. Des pointes de roches grisâtres crevaient la terre rousse des landes, semées d'îlots de bruyère, d'une teinte délicatement rosée, d'une fine nuance d'héliotrope. Sur les crêtes lointaines, des silhouettes d'hommes, de femmes, se profilaient avec une extraordinaire netteté, prenaient des proportions quasi surnaturelles sur le vide prestigieux de l'horizon. Parfois, des brouées de vent passaient, remuant un air sursaturé de sel, de saumure marine, d'âcre senteur, un air trop fort pour des poumons humains. Et, tout à coup, une cassure se faisait, presque à toucher la route dans l'architecture du paysage. Et c'était, dans un éblouissement subi, une brusque ouverture sur l'abîme, sur les solitudes béantes de la mer, sur l'infini. Jamais je n'ai mieux senti la vanité des épithètes par lesquelles nous essayons d'exprimer la divine magie de l'océan. Ni bleu, ni verte, ces eaux, ni d'aucune des colorations cérulées et haines qu'on a coutume d'y voir. Seules les mobiles et fugitives, et insaisissables irisations du cou des ramiers, on aurait pu rendre l'éclat changeant. Et c'était encore comme un lac de métal liquide qui allait s'éclairant d'une pâle lumière sidérale jusqu'à ce qu'il se confondît, tout là-bas, avec les profondeurs ennuagées du ciel. Comme nous passions devant une de ces échancrures de mer, une goélette surgit à l'improviste de derrière la falaise, glissa sur le champ miroitant des ondes et disparut de la même allure silencieuse de l'autre côté du versant. Ce fut une chose de songe, la fuite momentanément aperçue d'un vaisseau fantôme. Gaïd eut-elle la même impression que moi? Elle interrompit ses confidences personnelles pour me demander à brûle-pourpoint « Avez-vous entendu parler du navire de la peste ?»« Jamais. C'est ici, voyez-vous, une terre d'expiation. » Depuis les débordements d'Aès, fille de Gralon, une malédiction pèse sur elle, qui ne saura lever que le jour, promis, mais inconnu, de la résurrection de Kéris. Regardez, ces landes, ces hauteurs tristes, ces amas de roches stériles, ces calvaires dressés un peu partout, ne dirait-on pas la désolation d'un cimetière immense? C'en est un. Oui, chacun de ces coteaux est une tombe qui enferme les ossements, non pas d'une famille, mais d'un village entier, de toute une peuplade, Trogor, les Strézec, Penarguer, bourgs florissants autrefois, et qui ne sont même plus l'ombre de ce qu'ils ont été. Le son du biniou retentissait alors dans ce désert, et les danses du dimanche s'y déroulaient de Plogoff au rat. Dieu crut sans doute que les orgies de Kéris menaçaient de recommencer. Il manda la peste. « Va, lui dit-il, dénoue les danses et fais taire les biniou. » Un jour donc, à l'entrée de la baie des Trépassés, se montra un navire gigantesque, dont les voiles noires obscurcirent tout l'horizon. C'était un dimanche. Les capistes se livraient à leurs ébats. Ils s'arrêtèrent, déconcertés, cherchant quel pouvait être ce bateau sinistre qui interceptait de la sorte la lumière du soleil béni. Et voici que du bateau s'éleva une forme blanche, semblable à une femme vêtue de longues mousselines flottantes, et qui ondulait dans l'air ainsi qu'une fumée. Un vieux qui savait les choses de la vie et de la mort s'écria « Malheur sur nous, sur nos biens et sur nos âmes. Ce navire est le navire de la peste, l'Estrar Vossen. Et cette forme qui vient vers nous, c'est elle, la Vierge Blanche, qui n'a ni chair, ni sang, ni cœur, qui empoisonnerait de son souffle la mer même, et dont la robe, sur tout ce qu'elle touche, se glace comme un linceul. » Il achevait à peine que la robe de la peste l'enveloppait, lui et tous ceux qui étaient là, comme une nuée de sardines prise dans les mailles d'un filet. Une Gwers, continua Gaïd, a conservé la mémoire des ravages exercés par le fléau. Sur ma prière, elle l'entonna de sa voix douce où survivaient des notes jeunes d'une exquise fraîcheur. Au village de Lescoff, c'était pitié d'entendre les jouvencelles jolies faire, mourantes, leur testament. Mon tablier de père Calfine, je le donne pour essuyer le calice. Et mon tablier de toile de Hollande pour servir de nappe sur l'autel de Saint-Colloden. Sept jeunes hommes de la même maisonnée s'en sont allés en terre dans la même charretée. Leur pauvre mère les traînait, derrière le père pleurait. La peste a tout fauché, sauf deux, une vieille de 80 ans et un fils prêtre qu'elle avait. Nous arrivions au seuil d'une cour, ceinte de hauts murs croulants. Gaïd se tut. Nous étions au manêr. L'antique demeure délabrée du manêr, une gentille aumière qui eut ses jours de splendeur, est comme sculptée au flanc septentrional du Morne, que termine vers l'ouest la pointe du Raz. Elle domine une vallée nue, ouverte sur le large, sorte de tourbière immense où bleuit, entre des tiges blondes de roseaux, un vaste miroir d'eau stagnante. Des nuages en fuite le balayaient de leurs grandes ombres. Gaïd Alain étendit le bras. « L'étang de la Houale, me dit-elle. Et de nouveau, évoquée par elle, surgit devant moi la tragique et mystérieuse image de Kerris. Ses eaux mortes couvrent une église enchantée. Vous connaissez les deux vers de la complainte, les seuls que la mémoire des hommes en ait retenus. 7 20 manteaux d'écarlate, sans compter les autres, venaient de la ville d'Is entendre la messe à la Houale. La nuit de Noël, on les rencontre, les 7 20 manteaux d'écarlate, chevauchant sur des bêtes d'Apocalypse vers l'étang fatal. Des gens du parage les ont vus. Ils ont vu aussi l'eau bleuâtre s'illuminer soudain, des vitraux multicolores flamboyés dans ses profondeurs, et des foules innombrables, pleines d'un singulier silence, s'engouffrer sous l'ogive étincelante du porche. Un très vieux prêtre, aux cheveux si longs et si blancs qu'ils se confondent avec la blancheur de son surplis, se tient debout devant l'autel, les mains levées au-dessus d'un missel d'or, les lèvres entr'ouvertes pour achever une parole en suspens. Qu'un vivant l'achève pour lui, et Kerris aussitôt ressuscitera de ses limbes. Mais quel peut-il bien être, ce mot magique, ce mot interrompu? Nul ne le sait. Parfois, dans les soirs très calmes, des frissons subis rident la face de l'étang, et des bruits de cloches très lointains, étrangement mélodieux, se propagent à travers les ondes, gagnent peu à peu les couches supérieures de l'air, enveloppent tout le pays d'une musique ineffable. Gaïd Alain n'eût pas été de sa race si elle n'avait elle-même entendu la sonnerie ensorcelante des cloches de Kerris. Que d'heures elle avait passées à l'écouter, assise sur ce seuil d'où elle me commentait, avec un geste de prêtresse des temps fabuleux, tous les détails de ce grave et majestueux horizon, historié de lugubres légendes. Lorsque, après le frugal repas servi par les deux filles de mon hôtesse, j'annonçai mon intention de faire le tour de la baie des Trépassés, ou plus exactement la baie des âmes, Boéananaon. Gaïd s'offrit spontanément à me conduire de station en station, comme elle disait, dans ce funèbre pèlerinage. Les jeunesses iront à Vêpres prier pour les enterrer. Moi, en vous guidant, je réciterai mes De Profundis le long de la mer. C'est un cimetière aussi. Les corps de mon grand-père, de mon père et du second de mes fils y dorment à jamais. Nous dévalâmes par les landes. J'avais presque peine à suivre cette vieille femme dont le corsage dégrafé, formant veste, voltigeait en avant de moi, tantôt parmi de hauts ajoncs aux teintes métalliques, tantôt parmi des feuillages sanglants de fougères. Des eaux plombées de l'étang de la Houale, des bandes de sarcelles, de pluviers, s'élevèrent à notre approche, d'une aile furtive, silencieuse, comme alourdie par l'humidité de l'espace. « Des âmes, monsieur, » prononça Gaïd. Un chasseur forcené commit le sacrilège de tirer sur une d'elles. Comme il allait la fourrer dans sa gypsière, elle le supplia d'un ton dolent. « Je ne t'ai fait aucun mal. Pourquoi troubles-tu ma pénitence ?» Un bourrelet de sable, industrieusement amoncelé par la mer, barre l'étang et ne laisse filtrer dans la grève qu'un mince filet d'eau. Voilà, me dit Gaïd. À nos pieds s'étalait une plage couleur d'ocre, enserrée à droite, à gauche, entre deux pinces sombres, deux grands promontoires déchiquetés, découpant sur le ciel des silhouettes identiques, également âpres et tourmentées. L'un Begarraz, l'autre Begarvan, taillés en quelque sorte sur le même patron, semblables l'un et l'autre aux derniers pans restés debout d'un monde en ruine. L'intervalle était rempli par l'escalier mouvant de la mer, dont les houles s'étageaient à perte de vue, jusqu'aux extrêmes confins de l'horizon. Rien ne saurait rendre l'impression d'absolue solitude, de veuvage, de néant, que donne l'hiver cette baie des âmes, Boehanhanaon, comme l'appellent les Bretons en leur langue, d'un mot sourd et plaintif, emprunté, dirait-on, au vocabulaire de l'au-delà. La puissante lamentation de la mer tantôt éclatait en sanglots, tantôt se traînait en longs gémissements. Par instant, d'une des failles béantes de la pointe du Raz, un fracas plus sonore, une espèce de hurlement sauvage montait et, sur la crête des roches, des écumes bondissaient, couraient, pareilles à des crinières de cavales affolées. « L'enfer, le trou des damnés !» murmura Gaïd Alain. Au centre de la baie, vers le large, se dresse l'îlot abrupt de Tovinok, que couronne un phare, seul point occupé de cette côte sinistre. Les deux gardiens qui y vivent emmurés dans leur tour de pierre assistent fréquemment, s'il faut en croire la légende, à des scènes fantastiques dont ils aimeraient autant n'être pas les témoins. Ils partagent en effet cet écueil avec le muet batelier des âmes. Les nuits de tourmente, quand souffle le cornog, note. C'est le nom du vent d'ouest, le roi des vents bretons. Fin de note. Il le voit dans sa barque en forme de cercueil, empiler les uns sur les autres les cadavres errants des noyés, que poussent vers lui les vagues, et qu'il recueille à mesure, tout ruisselant. Puis, le chargement terminé, il hisse sa voilure noire, brodée d'une croix blanche. Il se dirige d'abord vers le trou des damnés. On entend, plouf, plouf. Les corps maudits s'engouffrent avec des cris atroces, et des flammes livides jaillissent des profondeurs de l'enfer marin. La ténébreuse embarcation a viré de bord. Elle vogue maintenant vers la pointe opposée, va mettre sous la protection de Saint-Éi les morts à qui reste quelque espoir de salut. La fruste et minuscule chapelle est accrochée au revers de la falaise du vent, surplombant l'abîme. Elle m'apparut, au milieu de ce vaste paysage funéraire, comme le sanctuaire mystérieux de la déesse de la mort. Pendant que nous regagnons la terre habitée, sa cloche grêle, au timbre rouillé, tinta pour l'Angélus du soir, et je ne pus me défendre d'un sentiment d'angoisse, de détresse infinie, mêlée d'effroi.